Bonjour, aujourd'hui je vous invite à une méditation un peu particulière. Une question vous travaille et vous n'arrivez pas à y répondre. Je vous propose de chercher la réponse à l'intérieur de vous-même. En faisant un peu d'espace à l'intérieur de vous, vous pouvez accéder à vos propres ressources, bien plus profondes que vous n'imaginez. Commencez par vous installer confortablement dans une position stable et digne. Fermez doucement les yeux pour vous intérioriser et prenez trois grandes inspirations par le nez en gonflant votre ventre, tout en poussant chaque expiration par la bouche le plus loin possible. Sentez toutes les petites tensions de votre corps s'évacuer avec votre souffle. Laissez désormais votre respiration reprendre son rythme naturel et posez votre attention sur la zone de votre corps dans laquelle vous ressentez le plus distinctement votre souffle. Avec curiosité, observez le va-et-vient de l'air qui entre dans vos narines, nourrit chacune de vos cellules, puis ressort naturellement. Notez les détails de ce mécanisme indépendant de votre volonté, son aspect éphémère. Aucune inspiration ne se ressemble et aucune expiration n'est similaire. Accrochez votre attention sur votre souffle comme vous jetteriez une ancre. Il s'agit d'un point d'ancrage qui permet à votre esprit de revenir sans cesse dans l'instant présent. Lorsque vous serez prêt, je vous invite à quitter votre souffle et à observer les pensées qui vous traversent l'esprit. Laissez-les simplement passer sans essayer d'interrompre ce phénomène naturel. Probable que les questions que vous vous posez tentent de forcer votre esprit à s'arrêter sur elles. Respirez alors tranquillement et regardez-les passer comme vous regarderiez les nuages passer dans le ciel. Imaginez que le vent les entraîne au loin pour laisser place à un ciel bleu et dégagé. Faites de la place. Maintenant, je vous propose de commencer votre voyage pour aller à la rencontre de vous-même. Votre inconscient connaît les réponses à vos questions. Nous allons donc les lui poser. Vous pouvez représenter votre inconscient comme un guide, votre guide intérieur. Pour vous adresser à lui, je vous invite à descendre un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Imaginez-vous descendre en vous à chaque respiration. Vous empruntez un chemin, un escalier ou peut-être un ascenseur. Accueillez la première image qui vient à vous. Et descendez un peu plus profondément, à chaque respiration. Inspiration après expiration. Moment après moment. Des pensées parasites vous accompagnent peut-être. Il est également possible que vous vous jugiez pour ce que vous êtes en train de faire. C'est ridicule. Ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. C'est naturel et parfaitement inévitable. Votre ego n'aime pas perdre le contrôle. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas votre ego. Ne négociez pas. Avancez simplement sur votre chemin en suivant le fil de votre respiration. Avec curiosité, allez de plus en plus loin. Devant vous, je vous invite à imaginer un lieu dans lequel vous vous sentez parfaitement à l'aise. Une pièce chaleureuse peut-être, un lieu paradisiaque, un souvenir d'enfance. Créez votre espace tel que vous le désirez. Ajoutez des détails, de la couleur. Vous êtes ici le maître du jeu. Dans cet espace, vous êtes vous-même, sans vos craintes, sans vos angoisses, sans vos croyances limitantes, sans les jugements de valeur, sans vos complexes. Vous ne craignez ni l'opinion des autres, ni celle de votre petite voix moralisatrice. Vous êtes vous, simplement vous, et vous êtes en paix. En parfaite sécurité dans cet espace intérieur qui est le vôtre. Lorsque vous êtes parfaitement détendu et totalement à l'aise, je vous invite à incruster ces sensations en vous. Pour cela, faites un geste simple comme serrer votre index et votre pouce ou encore caresser le lobe de votre oreille. Ce geste s'appelle un ancrage. Il vous permettra de ressentir à nouveau ce bien-être lorsque vous en aurez envie ou lorsque vous en aurez besoin. Il vous suffira simplement de reproduire ce geste. Alors que vous êtes dans votre espace, je vous propose de faire appel à votre guide intérieur. Ici et maintenant, demandez-lui de se présenter à vous. L'inconscient a beaucoup d'humour. Aussi, votre guide peut prendre toutes sortes de formes. Il peut s'agir d'une source lumineuse, d'un animal, d'une personne qui vous est familière. Ne vous formalisez pas. Accueillez simplement l'image qui vous vient à l'esprit. Quoi qu'il en soit, vous saurez qu'il s'agit de votre guide. Alors qu'il apparaît devant vous, posez la question qui vous taraude. Respirez paisiblement. Si une émotion forte vous envahit, pensez à respirer en gonflant votre ventre et n'hésitez pas à souffler doucement par la bouche. Écoutez la réponse de votre guide. C'est votre réponse, celle que vous avez à l'intérieur de vous. Prenez le temps d'écouter le message. Lorsque vous serez prêt, remerciez votre guide pour son aide. Il est temps de rentrer. Vous quittez désormais votre espace intérieur, mais vous êtes serein, car vous savez que vous pouvez y retourner quand vous le désirez. Reprenez le chemin que vous avez emprunté et remontez tranquillement en suivant le fil de votre respiration. Chaque inspiration vous amène un peu plus haut. Respiration après respiration. Moment après moment. Vous reprenez doucement conscience de votre présence dans cette pièce. Lorsque la cloche retentira, n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé. Et prenez tout votre temps pour ouvrir les yeux. À bientôt.